Au Maroc, de Pierre Loti, chapitre 1er, 26 mars 1889. Des côtes sud de l'Espagne, d'Algésiras, de Gibraltar, on aperçoit là-bas, sur l'autre rive de la mer, Tanger la Blanche. Elle est tout près de notre Europe, cette première ville marocaine, posée comme en vedette sur la pointe la plus nord de l'Afrique. En 3 ou 4 heures, des paquebots y conduisent, et une grande quantité de touristes y viennent chaque hiver. Elle est très banalisée aujourd'hui, et le sultan du Maroc a pris le parti d'en faire le demi-abandon aux visiteurs étrangers, d'en détourner Sergar comme d'une ville infidèle. Vue du large, elle semble presque riante, avec ses villas alentour bâties à l'européenne dans des jardins, un peu étrange encore cependant, et restée bien plus musulmane d'aspect que nos villes d'Algérie, avec ses murs d'une neigeuse blancheur, sa haute casbah crénelée et ses minarets plaqués de vieilles faïences. C'est curieux même comme l'impression d'arriver est ici plus saisissante que dans aucun des autres ports africains de la Méditerranée. Malgré les touristes qui débarquent avec moi, malgré les quelques enseignes françaises qui s'étalent çà et là devant des hôtels ou des bazars, en mettant pied à terre aujourd'hui sur ce quai de Tanger au beau soleil de midi, j'ai le sentiment d'un recul subi à travers les temps antérieurs. Comme c'est loin tout à coup, l'Espagne où l'on était ce matin, le chemin de fer, le paquebot rapide et confortable, l'époque où l'on croyait vivre. Ici, il y a quelque chose comme un suaire blanc qui tombe, éteignant les bruits d'ailleurs, arrêtant toutes les modernes agitations de la vie. Le vieux suaire de l'islam, qui sans doute va beaucoup s'épaissir autour de nous dans quelques jours quand nous nous serons enfoncés plus avant dans ce pays sombre, mais qui est déjà sensible dès l'abord, pour nos imaginations fraîchement émoulues d'Europe. Deux gardes au service de notre ministre, Selem et Kadour, pareils à des figures bibliques dans leurs longs vêtements de laine flottante, nous attendent au débarcadère pour nous conduire à la légation de France. Ils nous précèdent gravement, écartant de notre route avec des bâtons les innombrables petites ânes qui remplacent ici les camions et les chariots tout à fait inconnus. Par une sorte de voie étroite, nous montons à la ville, entre des rangées de murs crénelés qui s'étagent en gradins les uns au-dessus des autres, tristes et blancs comme des neiges mortes. Les passants qui nous croisent, blancs aussi comme les murs, traînent sans bruit leurs babouches sur la poussière, avec une majestueuse insouciance, et rien qu'à les voir marcher, on devine que les empressements de notre siècle n'ont pas prise sur eux. Dans la grande rue qu'il nous faut traverser, il y a bien quelques boutiques espagnoles, quelques affiches françaises ou anglaises, et à la foule des burnous se mêlent, hélas, quelques messieurs en casque de liège ou quelques gentilles missis voyageuses ayant des coups de soleil sur les joues. Mais c'est égal, Tanger est encore très arabe, même dans ses quartiers marchands. Et plus loin, aux abords de la Légation de France, où l'hospitalité m'est offerte, commence le dédale des petites rues étroites ensevelies sous la chaux blanche, demeurées intactes comme au vieux temps.